La queue de vie dans leur tête, non. La queue de vie dans leur tête, non. Quatre exemples pour la jeunesse. De voir ses pantalons se tortiller. Un grand renfort de flic et de fesses pour pouvoir passer à la télé. Dans des émissions d'art à mourir. Où tout est factice, tout est truqué. Ils achèteraient tout, même ton sourire. Ton âme est vendue si t'as signé. Ton âme est vendue si t'as signé. Ton âme est vendue si t'as signé. Ton âme est vendue si t'as signé. Ton âme est vendue si t'as signé. Ton âme est vendue si t'as signé. Créativité va pourrir au bénéfice d'un rendement meilleur. Ils ne t'aimeront plus pour ta musique, mais uniquement pour tes ventes actuelles. Maintenant tu n'es plus qu'un contact fic. Donc une pioche à la belle. Ton âme est vendue si t'as signé. Ton âme est vendue si t'as signé. Ton âme est vendue si t'as signé. Ton âme est vendue si t'as signé. Ton âme est vendue si t'as signé. Je fais que ta lutte et qu'on soit mieux. Coupe la ruelle et ses compères. Tu te vis dans leur tête de l'eau. Leur tête de l'eau.